stupide et dégonflé, qu'est-ce que tu racontes les conneries de ça? Hein? C'est mauvais ton chanson! Laisse un peu la place au vrai! Pire que les façons qu'on est nous! Non, est nous! Les crottes de chien dans la rue, c'est pas les crottes de chien, c'est les crottes de Nico. Ici, en cachette, devant votre porte et contre la roue de votre caisse, ils font ça pour vous faire chier. Ah ça, le Nico accroupi ici contre ma bagnole. Ah, je l'ai vu depuis ma fenêtre. Je vais l'abattre, ce sale Nico errant. Ah bah la SPA, la société protectrice des Arabes. Ah la fourrière, on leur fait manger de la merde de blanc. On ferait mieux de leur faire bouffer leur merde à ces bicots. Apprenez le caniveau au bico. Apprenez le caniveau au bico. Apprenez le caniveau au bico.